sorti 2016, DJ numéro 1, Amida, c'est pas prêt, Dream. Dans le monde de la nuit, refaisait la folie, obligé de faire des sous comme au Monopoly. Dans le monde de la nuit, refaisait la folie, obligé de faire des sous comme au Monopoly. Et comme c'est pas la fête, y'a ceux qui seront au calé, et puis y'a ceux qui seront assis dans le carré. Et comme c'est pas la fête, y'a ceux qui seront au calé, et puis y'a ceux qui seront assis dans le carré. En mode fiesta et pina colada, colada, colada. En mode fiesta et pina colada. Ça me fait de la peine, Amida et moi on sera dans le carré. En mode fiesta et pina